خويا لست تنبير كيتي بروبلم بكوتي سسوار ستا سواري جين فير لافيتا بكنو Laisse tout tomber, mets tes problèmes de côté. Ce soir c'est ta soirée, viens pas mal avec nous. Laisse tout tomber, faut arrêter d'emberger. Parce qu'on va délirer, viens boire un coup avec nous. Que ce soit black, blanc, beurre, peu importe ta couleur. On se donne rendez-vous tout à l'heure et que tout le monde soit bien à l'heure. Un million de problèmes dans la tête, laisse tomber, viens faire la fête. Et si ta femme ton câble pète, laisse-la brancher sur internet. C'est la fin de la semaine, on va inverser la vapeur. La soirée s'annonce chaude, je commence à sentir la chaleur. Y'a pas de règles, pas de loi, c'est ta soirée, vas-y lâche-toi. Y'aura des goûts pour les gars et pour les goûts y'aura mes gars. Laisse tout tomber, leur facture, leur coup bas. On a la santé, si ça, ça va, c'est que tout va. Profite des choses simples, la famille, les amis, les rampas. Donne-leur de l'amour et pas à ceux qui te le rendent pas. On n'a pas le train de vie de Nico et de sa Carla. Il nous reste que la vague au balade par-ci par-là. Même si en un jour il claque, ce que je galère en un mois. Au fond, tout ça je m'en bats, je serais peut-être plus heureux comme ça. Laisse tout tomber, mets tes problèmes de côté. Ce soir c'est ta soirée, viens pas mal avec nous. Laisse tout tomber, faut arrêter comme berger. Parce qu'on va délirer, viens boire un coup avec nous. D'entre vous n'a pas rêvé de tout quitter. Qui d'entre vous n'a pas le droit de profiter? Mais dites-moi-le. Mais dites-moi-le. On a tous le droit de s'amuser, de s'éclater. On a trop de devoirs, profite de la liberté. Écarte vos soucis, faut voir que la vie est belle. Regarde pas les nuages, prends que les rayons de soleil. Faut lâcher prise, on boit sa bière après le boulot. Y'a rien de meilleur, tranquille avant d'aller se coucher, fumer son polo. Ils te parlent d'économie, oui mais c'est des comiques. Ils m'ont jamais rien donné, de ce qu'ils avaient promis. T'étonne pas si je donne pas, on me doit plus rien. Déconne pas, déconne-toi, ne change rien. Détrompe-toi pas comme ça, en mode chien. Ne compte pas, lâche-toi, tout le monde a fait. Laisse tout tomber, mets tes problèmes de côté. Ce soir c'est ta soirée, viens pas mal avec nous. Laisse tout tomber, faut arrêter de gamberger. Parce qu'on va délirer, viens boire un coup avec nous. Laisse tout tomber, mets tes problèmes de côté. Ce soir c'est ta soirée, viens pas mal avec nous. Laisse tout tomber, faut arrêter de gamberger. Parce qu'on va délirer, viens boire un coup avec nous. Laisse tout tomber, viens boire un coup avec nous.